L'ego de l'homme est incapable par lui-même de transiger en justice. C'est-à-dire que l'ego de l'homme est incapable par lui-même d'être juge. Parce que l'ego de l'homme n'est pas dans l'intelligence. Si l'ego de l'homme était dans l'intelligence, si l'ego de l'homme était supporté totalement par l'intelligence, il serait possible à ce moment-là à l'ego de transiger en justice et d'établir dans sa relation interpersonnelle ce que j'appelle la loi du droit de l'homme. La loi du droit de l'homme est une loi universelle, c'est une loi cosmique qui permet à un homme qui est dans l'intelligence de transiger dans la direction de l'intelligence au-delà de toutes les conditions imposées par une structure sociale inconsciente. Mais pour que l'homme puisse faire ceci, il faut qu'il soit dans l'intelligence parce que s'il transigeait en justice en étant en dehors de l'intelligence, automatiquement, il commettrait de très graves erreurs psychologiques. Et automatiquement, il subirait le courroux de l'homme inconscient envers lui. Tandis que lorsque l'homme est dans l'intelligence, son comportement humain n'est pas affecté par son émotivité et la mesure de son action intelligente, consciente, télépathique prend en considération, au-delà de l'ego, les aspects futurs de sa relation avec l'autre. Exemple. Si un type, par exemple, va en ville un vendredi soir et qu'il rencontre, là je prends un exemple très graphique, et qu'il rencontre, disons, une prostituée qui a la manie d'amener les hommes qu'elle rencontre à sa chambre et de leur enlever leur porte-monnaie ou leurs argent. Un homme qui n'est pas dans l'intelligence et qui voudrait, pour une raison ou une autre, vivre une expérience sexuelle avec cette femme, irait dans la chambre et il se ferait dévaliser. Mais si l'homme est dans l'intelligence, admettons qu'étant dans l'intelligence, il pourrait faire cette action. Je prends simplement l'expérience pour graphiquement pour expliquer le problème. Alors, admettons que l'homme serait dans l'intelligence et qu'il allait vers une action comme celle-ci, à un certain moment, l'intelligence pourrait le couper et faire une interférence avec son mouvement, autrement dit avec le mouvement de l'ego, et lui créer comme par exemple une crainte ou directement lui parler. Autrement dit, l'intelligence ferait une interférence. Et si l'ego était suffisamment dans l'intelligence et que astralement, il était capable de se dissocier de son corps de désir, à ce moment-là, il ne vivrait pas l'expérience avec cette femme et automatiquement, il ne se ferait pas dévaliser. Alors, l'homme, automatiquement, pourrait être juge de l'action. Et être juge dans une action ne veut pas dire juger de la qualité positive ou négative d'une action. Être juge dans une action, quand on est dans l'intelligence, veut dire être capable de recevoir par vibration les dictées de cette intelligence au-delà de toutes les formes d'explication possibles de par l'intelligence qui ne servent pas réellement à l'ego, qui le fatiguerait même si l'intelligence avait à expliquer à l'ego pourquoi tel mouvement, tel mouvement, tel mouvement. Et si l'ego pouvait correspondre directement par vibration avec cette énergie de l'intelligence, l'ego serait automatiquement juge de la situation. Il jugerait de la situation, même s'il n'avait pas tous les paramètres de l'équation. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce que l'ego a tendance toujours à vouloir comprendre la raison de son comportement. L'ego qui va aller vers cette femme va chercher à comprendre pourquoi il y a obstacle à son mouvement vers sa chambre. Mais s'il était dans l'intelligence, il n'essaierait pas de comprendre pourquoi l'intelligence fait interférence à son mouvement. Il suivrait simplement l'énergie et automatiquement, il s'ensuivrait qu'il ne serait pas affecté par la conduite de cette femme. Et cette expérience, elle se rapporte à tous les niveaux de notre expérience humaine. Dans la vie, à cause de la façon dont nous avons été élevés, à cause du fait que nous pensons, à cause du fait que nous cherchons à comprendre la logique des événements, à cause du fait que nous essayons de reconnaître la valeur positive ou négative d'un événement, il nous est incapable de réaliser qu'un événement ou qu'une expérience dans notre vie n'est que le rapport qui existe entre soi-même et l'intelligence pour une expérience quelconque, pour nous amener éventuellement à ne plus souffrir de l'expérience, mais à simplement pouvoir vivre de l'énergie, de l'intelligence, sans que l'expérience elle-même soit qualifiée comme étant positive ou négative. On a beaucoup de difficultés de se dégager de la valorisation d'une expérience. On n'est pas capable d'agir, point, c'est tout. On agit, mais toujours en plus ou en moins. Ils disent qu'on agit comme des comptables. On cherche toujours le pour ou le contre, le débit ou le crédit d'une expérience, et on ne doit pas faire ça parce que notre vie, ce n'est pas de nos affaires. Notre vie devient de nos affaires lorsque nous sommes dans le pouvoir de la vie, c'est-à-dire lorsque nous sommes dans l'intelligence de la vie. Et à ce moment-là, notre vie devient de nos affaires, fait partie de nos affaires, parce que notre vie à ce moment-là est sous le contrôle vibratoire de l'intelligence, harmonieusement intégrée à nos principes inférieurs, de sorte que nous vivons une totalité, une unité de conscience. Mais tant que nous ne sommes pas dans cette intelligence, tant que nous ne sommes pas capables de reconnaître vibratoirement la présence de cette intelligence et l'instantanéité de cette intelligence dans tous les aspects de notre expérience humaine, notre vie n'est pas de nos affaires et l'ego automatiquement cherche à reconnaître une valeur positive ou négative pour se l'approprier. Et en se l'appropriant, automatiquement, il se console. En se l'appropriant, si la valeur est positive, il se condamne à se reconnaître comme étant ceci ou cela, comme étant bon ou mauvais, comme étant plus avancé qu'auparavant, ainsi de suite. Autrement dit, l'ego développe une attitude de comparaison dans son comportement. Et l'ego ne doit pas développer d'attitude comparative dans son comportement. Il doit simplement avancer dans l'évolution de son comportement jusqu'au moment dans la vie où son comportement est tellement intégré à son intelligence qu'il n'y a plus en lui ni de mauvais, ni de bon, ni de pauvre, ni de riche, qu'il y a simplement une énergie qui le traverse et qui lui permet d'engendrer encore des mouvements selon la loi de cette énergie, qui est la loi de l'intelligence, autrement dit la loi de la lumière. À ce moment-là, l'ego est libéré, l'ego se sent libre dans son mouvement et ça, c'est difficile à saisir. Et à ce moment-là seulement, seulement à ce moment-là, il est permis. Et quand je dis permis, je ne dis pas permis dans un sens moral. Moral. Je dis, il est permis dans un sens de capacité à l'ego de vivre des expériences qu'il ne pourrait pas vivre autrement. Pour que l'ego vive des expériences de toutes les sortes, pour que l'ego puisse vivre de la vie à tous les niveaux, qui coïncident avec le mouvement de l'intelligence en lui, cherchant constamment à raffiner ses principes, il faut que lui, en tant qu'ego, soit désengagé de la valeur positive ou négative de l'expérience. Et c'est difficile pour l'ego parce que l'ego vit d'une façon dualistique. L'ego vit en relation du bien et du mal, du bon ou du mauvais. Et vivre d'une façon dualistique, c'est tellement naturel pour l'ego parce qu'il a été établi dans l'histoire de l'homme des valeurs positives et négatives, que l'ego, lorsqu'il entre dans l'intelligence et qu'il est forcé par l'intelligence de vivre des expériences qui, dans le cadre humain, pourraient être considérées comme négatives, automatiquement, l'ego bloque. Et automatiquement, lorsqu'il bloque, à cause de la dualité, à cause de la qualité, à cause de la comparaison qu'il établit vis-à-vis son expérience, l'ego se bloque de recevoir plus d'énergie. Parce qu'il y a une loi, une des grandes lois de la descente de l'intelligence supramentale sur la Terre, que les hommes connaîtront avec les années, c'est que l'intelligence n'a pas de qualité. L'intelligence n'a pas de qualité. L'ego cherche une qualité pour sécuriser, pour se sécuriser lui-même. Alors, si l'ego se cherche une qualité positive, il se sécurise dans une qualité positive. La spiritualité en est un exemple. Si il vit une expérience contraire à la norme sociale et que son expérience est considérée comme négative, automatiquement, il s'insécurise. Alors, d'un côté ou de l'autre, il s'insécurise parce que la sécurité spirituelle qui provient d'une qualité positive est une forme voilée d'insécurité et l'insécurité négative provenant d'une expérience négative aussi provient d'un niveau d'expérience qu'il doit vivre, mais dont il ne comprend pas la teneur et à cause de ceci, se qualifie négativement vis-à-vis de l'expérience. C'est pour ça que je dis souvent, l'homme comprendra dans le temps que lorsqu'il est dans l'intelligence, le bien et le mal n'existent plus. Ce ne veut pas dire que l'homme n'est pas bon. Ce ne veut pas dire que l'homme peut commettre le mal. Ça veut dire que l'homme étant dans l'intelligence, ne vit que d'intelligence et que son action sur le plan social ne peut être que créative. Mais étant créative, elle engendre des forces et les forces qu'elle engendre peuvent créer dans un mode social ou dans une forme sociale des réactions qui peuvent être interprétées comme étant négatives plutôt que positives. Exemple, vous avez, comme j'ai déjà expliqué, vous avez, je ne sais pas, moi, la belle-mère qui est à l'hôpital puis qui veut que vous la visitiez tous les vendredis puis à tous les mercredis, puis si vous n'y allez pas, elle va faire une crise puis elle va mourir. Et vous, naturellement, à cause de vos bons sentiments, vous allez à l'hôpital et pendant que vous allez à l'hôpital, vous, vous mourrez, mais elle vit. Mais si vous étiez dans l'intelligence, l'intelligence automatiquement par la pénétration de sa vibration dans votre mental neutraliserait votre sentiment et ferait en sorte que vous retardiez de temps en temps cette visite pour apprendre à l'autre personne que vous n'êtes pas un esclave d'une raison sociale, que vous n'êtes pas l'esclave de ses sentiments ou de vos sentiments, et ainsi de suite. Autrement dit, l'intelligence vous forcerait par vibration parce qu'elle aurait la capacité de le faire, vous étant ouvert à elle, elle vous forcerait à développer une psychologie vis-à-vis de cette personne pour que cette personne se désengage de vous sur le plan émotif et pour que vous puissiez la visiter une fois tous les trois semaines, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Alors, l'intelligence a des raisons qu'elle peut vous expliquer si vous êtes en communication télépathique avec elle, et à ce moment-là, il vous est beaucoup plus facile de commencer à vivre une vie qui est totalement en dehors de, au-dessus de la polarité du bien ou du mal, ou du bon ou du mauvais, ou du social acceptable ou du social non acceptable. Parce que je sais que l'intelligence peut très bien se servir du négatif dans votre expérience pour vous faire détruire une forme dans votre sentiment, pour vous permettre de rentrer de plus en plus dans cette intelligence. Comme l'intelligence peut se servir du positif dans votre expérience pour vous amener à aller contre le positif et à entrer plus dans le négatif pour balancer vos énergies. Il y a des gens qui sont beaucoup trop positifs et qui ne sont pas assez négatifs. Il y a des gens qui sont trop négatifs et qui ne sont pas assez positifs. L'état de maladie, qu'est-ce que c'est? C'est trop de négativité, souvent, ou souvent c'est trop de positivité. On peut être malade parce qu'on est trop bon, on peut être malade parce qu'on est trop mauvais. Et ce n'est que dans l'intelligence, lorsqu'on est dans l'intelligence, que l'équilibre entre le négatif et le positif se fait, parce que l'intelligence connaît l'équilibre ou la juste mesure de la polarité en soi, sur le plan mental, émotif, vital ou physique. Et à ce moment-là, il est normal que l'homme, dans sa nature inférieure, puisse augmenter le taux de réception de l'énergie dans ses corps et, avec les années, se trouver à 40, 50, 60 ans dans un état physique, émotif, mental et vital beaucoup plus sain qu'il n'aurait pu l'être s'il n'avait pas été dans cette intelligence. Mais nous avons, les hommes, des contraintes, nous avons, les hommes, des mécanismes en soi qui relèvent de notre conditionnement émotionnel et qui nous empêche de vivre notre vie à la lueur de l'intelligence. Nous vivons notre vie à la lueur de nos sentiments, et c'est pour ça que nous perdons sans nous en apercevoir de l'énergie, et que nous nous retrouvons, dans le cas souvent des femmes, par exemple à 30-35 ans, nous nous retrouvons en tant que femmes perdant de cette grande allure de jeunesse que nous avions à 25. Ce n'est pas parce qu'une femme entre dans la trentaine ou 35 ans ou 40 ans qu'elle devrait perdre sa fraîcheur. Mais la femme est tellement plus dans l'émotion que l'homme qu'elle vieillit plus vite que l'homme dans son corps matériel. Nous réaliserons avec le temps que le pouvoir de l'émotivité dans l'être humain est un pouvoir ascendant, c'est-à-dire que le pouvoir de l'émotivité, c'est un pouvoir qui va de plus en plus vers une croissance technique. Et quand je dis vers une croissance technique, je veux dire vers une croissance qui se fait éventuellement autosuffisante. Autosuffisante à un tel point que l'homme ne peut plus vivre sans cette dépendance, sans cette drogue qui est l'émotivité. Et c'est pour ça que dans les grandes initiations, dans la grande confrontation entre l'intelligence cosmique et l'être humain sur la planète Terre, il y a des moments d'extrême épreuve ou de grande épreuve où l'ego se sent réellement contre un mur infranchissable, où l'ego ne voit pas la sortie du tunnel, où l'ego ne peut pas saisir le moment où éventuellement il va pouvoir relaxer. Et pourquoi cette tension énorme entre l'intelligence vibratoire et l'ego pour justement forcer l'ego à lâcher prise sur le plan de ses émotions pour que cette intelligence puisse enfin éventuellement fusionner avec lui et l'élever en grandeur sur tous les plans. L'abus de confiance, vu du point de vue de l'intelligence, est symptomatique du manque d'intelligence de l'homme. L'abus de confiance dans toutes les sociétés humaines, des plus complexes, des plus technologiques aux plus primitives et tribales, est une condition presque universelle sur la planète Terre. Et comme l'homme va vers un temps où il aura le pouvoir de la vision éthérique, où il aura le pouvoir de la réception de la pensée d'autrui, où il aura le pouvoir de ne plus être menti, il est évident que dans ce temps, l'abus de confiance ne pourra plus exister. Mais dans le temps où nous sommes, dans le temps où l'homme va vers cette étape de l'évolution, vers la mutation, il est important que l'homme qui se conscientise, voit concrètement le problème de l'abus de confiance et s'auto-oriente vers une définition nouvelle de sa relation avec les hommes. Et dans cette réorientation, dans cette revision de son pacte social avec l'être humain, il se verra de plus en plus intransigeant, il se verra de plus en plus indépendant d'esprit, il se verra de plus en plus capable de ne pas aller dans une direction parce qu'elle ne lui plaît pas parfaitement, parce qu'il pourrait le sentir. Il se verra capable de sentir la condition d'une relation contractuelle sur le plan matériel à cause de la vibration en lui qui se fera sentir. Mais l'ego doit apprendre à faire confiance à la vibration au-delà de la confiance qu'il se fait à lui-même. Et lorsque l'ego apprendra à faire confiance à la vibration, et quand je dis faire confiance à la vibration, je dis faire confiance à la vibration. Je ne dis pas faire confiance à l'interprétation psychologique de la vibration qui se produit dans le mental humain. J'ai déjà dit que l'ego doit apprendre à ne jamais se fier à l'intelligence parlée. Il doit se fier à l'intelligence active en lui. L'intelligence parlée dans l'ego est simplement un mécanisme temporaire pour permettre que l'ego reconnaisse qu'il y a au-dessus de lui, en dehors de l'espace-temps, des êtres en intelligence évoluée qui cherchent à faire contact avec lui sur le plan matériel. Et cette expérience, elle est nécessaire, elle doit être établie, elle doit être conclue, elle doit faire partie de la nouvelle psychologie de l'homme pour que l'homme réalise une fois pour toutes finalement que derrière le penseur, il y a un penseur. Mais ceci n'est que la première étape de cette évolution. Lorsque l'homme entre dans l'évolution finale de sa conscientisation, lorsqu'il entre dans le rapport entre sa volonté et la volonté supérieure, dans le rapport entre son intelligence et l'intelligence supérieure, ce n'est plus par les dictées de l'intelligence en lui qu'il doit vivre, c'est par la vibration en lui, car la vibration est totalement parfaite, tandis que l'intelligence parlée possède une imperfection qui procède du fait que l'homme ne doit pas savoir les plans de sa vie tant que ses plans ne sont pas conclus dans l'expérience. Alors, l'ego qui va vers la conscientisation, qui va vers l'intelligence, Bon, je suis attaché comme un chien, je pourrais. L'ego qui va vers la conscientisation, qui va vers l'intelligence, doit réaliser que son intelligence commence à se manifester en lui lorsqu'il commence à sentir cette vibration, ce petit je ne sais quoi en lui qui l'arrête dans un mouvement. Et tant que l'ego n'a pas senti cette vibration, ce petit quelque chose en lui qui agit comme un conditionneur de son action, il n'a pas la perception réelle de l'intelligence, il ne peut avoir que la perception facultative de l'intelligence au niveau de son mental, dont il ne peut pas se fier. J'espère répondre à beaucoup de questions en expliquant le phénomène de la vibration de l'intelligence. Dans le phénomène de l'abus de confiance entre un homme, lorsqu'un homme contracte avec un autre homme, si l'homme est attentif à lui-même, s'il est attentif à son intérieur ou à l'extérieur de son intérieur, à l'intelligence en lui, et qu'il contracte avec un homme, le contrat doit aller très facilement. Parce que tout ce qui se fait dans l'intelligence est très facile. Il n'y a jamais d'effort. Mais s'il y a moindrement un effort, s'il y a moindrement une interruption, s'il y a moindrement quelque chose qui bloque, c'est une vibration qui provient de l'intelligence et l'ego doit, à ce moment-là, faire attention à ce qui se passe et à ce moment-là, probablement demander en lui-même pourquoi cette tension, pourquoi cette condition, pourquoi cette interférence, pourquoi ce blocage et on lui répondra peut-être, c'est pas le temps, attends 2 semaines et ainsi de suite. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça, c'est très important. Ce n'est pas avant d'aller signer le contrat qu'on vous dira « Attends dans 2 semaines. » Une des plus grandes réalisations de l'homme qui est dans le supramental, c'est de savoir que lorsque nous sommes dans l'intelligence, nous ne sommes jamais divisés dans l'intelligence. Seulement lorsque nous sommes dans la vibration de l'intelligence. Mais si nous sommes dans l'intelligence de l'intelligence, si nous sommes dans la verbalisation, dans la pensée de l'intelligence, s'il y a communication entre l'intelligence et nous par le biais de notre cerveau, par le biais des mots, par le biais des pensées, il y a automatiquement division de l'intelligence. Et ce n'est pas parce qu'il y a division de l'intelligence que ce que nous recevons de l'intelligence n'est pas correct. Mais je sais que nous ne pouvons pas nous y fier absolument. Ce n'est que lorsque nous sommes dans la vibration de l'intelligence que nous pouvons nous y fier absolument parce que lorsque nous sommes dans la vibration de l'intelligence, nous ne sommes pas dans l'intelligence de l'événement. Et n'étant pas dans l'intelligence de l'événement, nous ouvrons notre être à la vibration. Et c'est pourquoi l'intelligence nous favorise. Mais si nous sommes dans l'intelligence de l'intelligence, nous n'ouvrons pas notre être à la vibration. Nous ouvrons notre être à l'intelligence de la vibration et nous confrontons l'intelligence à l'exigence de notre ego et l'intelligence détruit la condition et nous défavorise. Comprenez? C'est pour ça que nous dirons souvent, lorsque les choses dans la vie vont bien, elles vont très vite et nous ne nous en apercevons pas. Mais lorsque les choses dans la vie, lorsque nous les attendons, lorsque nous attendons avec vigilance leur avènement, soit qu'elles se manifestent contrairement à ce que nous avions diagnostiqué, ou soit qu'elles se manifestent d'une façon contraire à ce que nous avions pensé, et ce n'est jamais la même chose. Et il y a une raison pour ceci. C'est que l'intelligence cosmique ne veut pas que l'homme se mêle de ses affaires. L'intelligence cosmique ne veut pas que l'homme, l'ego, l'être humain, de par ses sentiments, colore la relation entre elle et le plan matériel. L'intelligence veut descendre dans l'homme par vibration, par énergie, et elle veut que l'homme réponde à cette énergie. Elle ne veut pas que l'homme réponde à l'intelligence de l'intelligence, autrement dit, à cet aspect de l'intelligence manifesté dans son cerveau par voie télépathique mentale verbalisée. Alors, je ne nie pas l'importance de la communication télépathique, mais je nie l'absolue caractère de l'intelligence télépathique. Parce que, et vous verrez la raison pour laquelle je parle ainsi, si l'homme, et vous verrez la raison que justement les gens refusent d'accepter quand ils viennent dans les séminaires. Quand les gens viennent dans les séminaires au début, ce sont des gens qui sont inconscients et qui reconnaissent implicitement qu'ils ont un libre arbitre. Alors moi, j'explique la nature de l'homme, j'explique la nature de la pensée, je leur fais reconnaître ou voir potentiellement que l'homme n'a pas de libre arbitre, qu'il y a derrière l'homme un penseur, qu'il y a des intelligences en action, et automatiquement l'ego va contre ça parce que l'ego est habitué au libre arbitre et l'ego n'aime pas ceci. C'est normal. Et ensuite, l'ego s'ajuste et s'ajuste, et souvent la communication télépathique s'établit ou l'accordéon commence à se développer en soi, on commence à sentir les vibrations, et l'ego commence à sentir qu'il y a en lui autre chose. Mais, une fois que l'ego a accepté la dualité cosmique de l'homme, en dehors de l'unité partielle de sa vie inconsciente, il s'aperçoit qu'il voudrait demeurer dans cette dualité. Alors, au début, il ne veut pas cette dualité, c'est lui qui fonctionne, il a le libre arbitre, il fait ce qu'il veut dans la vie, et vous lui dites que ce n'est pas comme ça, il se fâche, ainsi de suite, l'initiation commence, et là, aussitôt qu'il a commencé à réaliser qu'il y a effectivement dualité, qu'il y a contact télépathique, ainsi de suite, qu'il a accès à l'intelligence de l'intelligence, là, il est content. Mais il doit réaliser qu'ensuite, il doit revenir exactement comme il était avant, mais conscient. Alors, l'ego, sans ce sens-là, si ce n'était pas ainsi, l'homme serait un piètre python. Il serait un piètre robot. Moi, si je ne faisais pas ma vie comme je le sens par vibration, et que j'étais obligé toujours à toutes les minutes de demander est-ce que je fais ceci, est-ce que je vais pisser, est-ce que j'achète un automobile, est-ce que j'achète des carottes, je serais un robot. Mais au début, avec la force de pénétration de cette intelligence dans l'homme, il est évident qu'au début, on a tendance à se fier à l'intelligence et à se fier. Et je vous dis que vous devez apprendre à ne pas vous fier à l'intelligence, à ne vous fier qu'à la vibration. Et ce n'est pas aussi facile que l'on s'imagine, parce que si on se fie à l'intelligence au début, c'est plus facile parce qu'il y a dans l'intelligence du matériel psychologique qui peut convenir à l'ego, parce que l'ego pense et l'ego a un cerveau qui peut décoder cette information. Mais l'ego s'aperçoit dans très peu de temps qu'il se fait jouer des tours. Mais lorsque l'ego a dépassé la nécessité de catégoriser l'information, lorsqu'il a dépassé la nécessité de saisir avec son ego mental inférieur l'information, lorsqu'il a dépassé la nécessité de vouloir parler avec l'intelligence, à ce moment-là, il commence à vivre de l'intelligence. Et lorsque l'on vit de l'intelligence, on ne meurt plus. Mais lorsque l'on parle de l'intelligence, on peut mourir. Parce que lorsque l'on parle ou avec l'intelligence, le contrat entre la matière et l'esprit n'est pas terminé. Pour que le contrat entre la matière et l'esprit soit terminé, pour que l'esprit ou la vibration soit descendue jusque dans la matière, il faut que l'ego en tant qu'être ne s'occupe plus de l'intelligence, mais ne s'occupe que de l'énergie de l'intelligence. Et à ce moment-là, lorsqu'il s'occupe de l'énergie de l'intelligence, lorsqu'il est capable, déjà le signe est établi dans sa vie qu'il ne vit plus psychologiquement, qu'il ne vit que vibratoirement. Et ce n'est que lorsque l'ego ne vit que vibratoirement qu'il est plein de l'énergie et que tous ses principes sont alimentés par l'énergie et qu'il commence lentement sa route vers l'immortalité. Certains m'ont dit, comment se fait-il que Madame de Sergerie, elle est morte et qu'on lui avait annoncé l'immortalité? Ce n'est pas parce que l'on vous dit que vous êtes immortel que vous êtes immortel. Parce que lorsque l'on vous dit que vous êtes immortel, on peut vous dire que vous êtes immortel, mais demandez en quelle année vous commencez votre immortalité. Et si on vous dit que vous serez immortel dans la troisième incarnation, ça ne vous sert plus sur le plan matériel aujourd'hui. Si on vous dit que vous êtes immortel plus tard, ça vous ne sert plus aujourd'hui. Alors, pour que l'homme se réalise dans l'immortalité, ça, c'est la faute à Colette. Excusez-moi. Pour que l'homme se réalise dans l'immortalité, il faut qu'il se réalise dans l'énergie. Est-ce que vous entendez en haut? Il faut qu'il se réalise dans l'énergie. Et se réaliser dans l'énergie veut dire ceci, qu'il y ait en lui une suspension totale au niveau de son ego, de l'inquiétude de sa vie matérielle. C'est lorsque l'homme est capable de vivre sa vie matérielle en dehors totalement de l'inquiétude psychologique vis-à-vis sa vie matérielle, que ce soit la santé, que ce soit ci ou que ce soit ça, qu'il est capable de vivre de l'énergie, de l'intelligence et qu'il avance lentement vers l'immortalité. La raison pour laquelle j'explique ceci, c'est parce que nous arrivons lentement vers une étape où il nous sera donné de reconnaître des aspects de l'homme qui ne conviennent pas à la psychologie de l'homme, des aspects de l'homme qui transigent d'une façon très rude et très abrupte avec la psychologie de l'homme, avec la mémoire de l'homme. Et pour que nous puissions absorber simplement l'énergie de ces révélations, il nous faut, en tant qu'ego, être capable de nous dissocier totalement de la valeur psychologique de notre vie matérielle. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous sommes capables d'emprunter le pas vers l'immortalité et de ne jamais pouvoir désirer l'immortalité. Pour que l'homme soit immortel, pour que l'homme aille vers l'immortalité, il faut qu'il ne puisse pas désirer l'immortalité. Parce que si l'homme désire l'immortalité, il y a une partie en lui qui fait partie de son insécurité foncière, qui le rattache à la matière de son corps matériel. Vous savez, dans l'intelligence, dans le jeu de l'intelligence, dans les lois de l'intelligence, dans la vibration de l'intelligence, dans l'intelligence et sa perfection, il n'y a aucune place pour l'imperfection. Et l'imperfection de l'homme, elle est fondée sur quoi? Elle est fondée sur la valeur qu'il met sur sa vie matérielle. Et aussitôt que l'homme est attaché moindrement à sa vie matérielle, il est dans l'imperfection de son sentiment humain et il est dans la catégorie de ces êtres qui préfèrent mourir lentement que mourir éventuellement. Et l'homme éventuellement doit mourir. Même s'il va vers l'immortalité, il doit mourir. Mais il ne meurt pas de la même façon que l'homme inconscient connaît. Et pour que l'homme puisse accepter dans son mental, dans sa vie matérielle, la mort de quelque façon que ce soit, ou d'une certaine façon que ce soit, qui convient au plan occulte de l'humanité ou au plan occulte de la sixième race, il faut que lui, en tant qu'être humain, soit capable, sur le plan psychologique, de se dissocier de la valeur spirituelle de sa vie pour se confronter à la valeur réelle de son esprit. Parce que dans la vie, sur le plan de la vie matérielle, il y a une qualité spirituelle que l'on connaît plus ou moins ou que nous pouvons reconnaître plus ou moins. Et cette qualité spirituelle, elle est faite de deux choses. Elle est faite d'abord de l'attachement de l'homme à la valeur de la vie et elle est faite aussi de l'intention de l'homme de continuer cette valeur dans le temps. Mais l'homme ne connaît pas les lois de l'intelligence, il ne connaît pas les lois de l'éther, il ne connaît pas les lois de l'esprit, il ne connaît pas les lois de son propre esprit, il ne connaît même pas les lois de son âme. Et ne connaissant pas les lois de son âme, il est automatiquement figé dans la mémoire de sa valeur vibratoire psychologique humaine, qui est la valeur psychologique, émotive et mentale inférieure de sa vie, qu'il connaît à tous les instants de son incarnation. Et l'homme doit dépasser ceci. C'est pour ça que je dis souvent, il faut que l'homme un jour réalise que sa vie, ce n'est pas de ses affaires. Parce que tant que l'homme ne réalise pas que la vie, ce n'est pas de ses affaires, il fait de la vie de ses affaires, et s'il fait la vie de la vie de ses affaires, automatiquement, il s'attache aux affaires de sa vie. Et s'il s'attache aux affaires de sa vie, comment voulez-vous que l'énergie de l'intelligence pénètre en lui et soulève la vibration ou l'état énergétique de ses principes inférieurs pour le faire passer éventuellement d'un plan de vie à un autre? C'est impossible. Alors, je fais ce rond-point dans la discussion et je reviens au point de départ pour expliquer l'importance que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui sur le plan vibratoire, mais que vous pouvez saisir sur le plan psychologique. L'importance de ne jamais, en tant qu'homme, dans nos relations avec les hommes, de ne jamais être assujetti à l'abus de confiance. Mais quand je dis ceci, je dis beaucoup de choses que je ne dis pas aujourd'hui. Je dis, par exemple, lorsqu'un homme est dans l'intelligence, lorsqu'un homme est dans la vibration de l'intelligence, ce n'est plus les conditions de sa relation avec les hommes qui comptent. C'est l'échange d'énergie entre lui et l'autre qui compte. Je fais état de ceci en relation avec la dame que j'ai apostrophé ce soir. Ce n'est pas la valeur psychologique qui compte dans ce que je dis. C'est la vibration, l'énergie que la forme dont j'emploie ou que j'emploie crée en elle. C'est l'énergie qui compte. Ce n'est pas la valeur psychologique. Si la dame dépasse la valeur psychologique, elle croit dans sa propre intelligence, dans sa propre vibration, parce que cette énergie n'étant pas conditionnée par l'ego, elle a une puissance qui n'est pas arrêtable, qui ne peut pas être arrêtée par l'ego, qui ne peut pas être rationalisée par l'ego. Alors, automatiquement, l'ego se désengage, se désengage, se désengage, se désengage. Et c'est la même chose au niveau de la vie. Dans nos rapports avec les hommes, si nous avons à contractuer et que nous devons, dans une situation quelconque, ne pas subir ou être assujetti à l'abus de confiance, nous sommes à certains moments obligés par vibration d'agir d'une certaine façon. Et ce n'est que lorsque nous agissons d'une certaine façon, selon le mode vibratoire de cette énergie, que nous délogeons en nous des aspects de notre mémoire émotive et que nous construisons le pont entre la matière et l'éthérique. Parce que le passage de l'homme vers l'immortalité, le passage de l'homme vers l'éthérique, le passage de l'homme d'un plan d'énergie à un autre, il doit se construire, son passage. Et il ne peut pas se construire avec de bonnes intentions. Les bonnes intentions ne peuvent mener l'homme qu'à la mort et qu'à une mémoire résurrective sur le plan astral. J'ai beaucoup de difficultés à interpréter pour l'homme les conditions énergétiques de la conscience et de l'intelligence parce que l'homme n'est pas dans mon expérience. Et comme l'homme n'est pas dans mon expérience et qu'il acquiert et qu'il avance lentement vers mon expérience, il se produit que je dois employer un très grand nombre de rencontres ou une vaste échelle de temps pour amener cet homme par vibration seulement et non par conditionnement psychologique ou déconditionnement psychologique à réaliser des aspects du réel en lui qui ne conviennent aucunement à son ego, mais qui conviennent à l'esprit de son intelligence. D'ailleurs, c'est une raison, c'est la raison pour laquelle le travail que je fais est si pénible, non pas parce qu'il n'est pas plaisant, non pas parce que, émanant de mon propre champ de force, il n'est pas agréable à cause de sa créativité, mais parce qu'il est difficilement compréhensible et qu'il n'est saisissable qu'au fur et à mesure que l'homme entre dans sa propre énergie. Lorsque l'homme a son champ d'énergie, lorsque l'homme commence à construire le pont entre lui-même et son autre lui-même, Lorsque l'homme commence à construire le pont entre lui-même et son double, à ce moment-là, la conversation entre moi et l'homme peut continuer, mais elle est totalement autre, elle est totalement fraternelle, et il n'y a plus entre moi et cet homme de ces récifs qui proviennent de la constitution psychologique de l'être et qui forcent l'être à toujours reconsidérer sa position vis-à-vis lui-même et vis-à-vis moi-même. C'est pour ça que je suis très content aujourd'hui qu'il y ait des gens parmi vous qui commencent lentement à organiser des rencontres ou des activités dans, selon leur vibration, selon leur caractère, selon leur mode d'approche, qui conviennent parfaitement à l'intelligence en eux et qui me soulagent sur le plan du travail. Pour moi, c'est un mouvement extrêmement important et c'est un mouvement qui est dans son temps et qui deviendra de plus en plus reconnu au fur et à mesure que le temps passera. Il y a Ghislaine Chiasson qui commence aussi dans le domaine de la sexualité. Pour que l'homme puisse comprendre la sexualité de son intelligence, il faut d'abord que son intelligence soit éveillée. Lorsque son intelligence est éveillée, à ce moment-là, l'homme est libre d'aller de par lui-même le long de la route qu'il se trace selon l'expression de sa propre intelligence. Il y a Ménard, il y a d'autres, il y en aura d'autres. Et c'est très important que les gens parmi vous qui sentent à un certain moment de leur vie une capacité d'entrer en relation avec des hommes à l'intérieur de cette propre énergie, de cette énergie qui est la leur, qu'ils puissent continuer ce que moi j'ai commencé ici au Québec. Parce que le programme de l'évolution de l'homme est très vaste et il doit dépasser toutes les nations et toutes les frontières. Mais les hommes, l'homme, doit reconnaître dans ce mouvement éternel de l'intelligence que la programmation de l'homme sur le plan matériel consiste à réorganiser énergétiquement ses atomes pour qu'il puisse un jour entrer dans la lumière parfaite de son savoir. Et il n'y a aucune, c'est pour ça que je dis toujours, ceux qui ont la force de continuer avec nous, que ces gens continuent, et que ceux qui ne se sentent pas en force pour continuer, qu'ils se retirent, et qu'ils ne sentent pas en eux de perte, ou qu'ils ne sentent pas en eux d'amertume. Mais l'homme qui va vers une autre vie, qui va vers un autre cycle de vie, doit apprendre à réaliser que ce qui se passe dans sa vie intérieure, sur le plan de l'énergie, est une condition qui ne peut pas se discuter, qui ne peut pas être expliquée d'une façon rationnelle, mais qui ne peut être expliquée que d'une façon supramentale qui ne conviendra jamais à l'ego, qui ne conviendra jamais à la psychologie de l'homme, puisque l'intelligence supramentale est anti-ego. L'intelligence supramentale doit construire de toutes pièces la nouvelle psychologie de l'homme. Et la psychologie de l'homme qu'elle construit n'est pas pour l'homme qui la vit, elle est pour l'homme qui en exploite la diffusion dans le monde. La psychologie, moi je ne vis pas de psychologie, je ne peux pas penser. Alors, si je ne peux pas penser, la psychologie pour moi n'a aucune satisfaction psychologique, n'a aucune satisfaction mentale. Mais si je parle avec vous, là à ce moment-là, cette intelligence qui se manifeste d'une façon autre devient, dans notre rapport, une psychologie nouvelle. Et c'est comme ça que l'homme doit développer sa psychologie, non pas pour lui-même. Lui-même doit être vide dans le mental, rempli de la vibration de l'intelligence. Et lorsqu'il est en discours avec les hommes, qu'il est en relation avec les hommes, c'est à ce moment-là que, s'il est capable de vivre de cette vibration, il pourra manifester envers les hommes un état de comportement qui représentera pour les hommes une psychologie foncièrement créative et foncièrement en harmonie avec les lois de l'univers. C'est pour ça que je dis, ne vous attendez jamais dans un mois ou un an ou 10 ans que je convienne avec votre esprit. Je ne peux pas convenir avec votre esprit parce que votre esprit n'est pas encore dans sa potentialité. Votre esprit n'est pas encore dans son intelligence. Lorsque votre esprit sera dans son intelligence, il n'y aura plus de convenance entre nous et il n'y aura plus même de besoin entre moi et vous de nous rencontrer. Et à ce moment-là, vous serez dans votre propre énergie. Alors, en attendant, tant que nous continuons ce travail, il est important que les gens s'habituent de plus en plus à être capables d'absorber vibratoirement l'énergie de ce que je dis. Et si ça ne plaît pas à l'ego, si c'est difficile à l'ego, si ça fait mal à l'ego, si ça fait pleurer l'ego sur lui-même, sachez donc une fois pour toutes que je vous aime d'une façon qui ne convient pas non plus à l'ego. Si je vous aimais d'une façon qui convient à l'ego, vous ne pourriez pas avancer. Vous seriez attiré à moi. Je serais pour vous un maître spirituel d'un ordre quelconque, mais je ne vous rendrai aucun service. Parce que vous êtes rendu à un point où ce n'est plus de l'homme que vous devez vivre, mais de votre propre intelligence.